Nous voici avec un nouveau style pour le FB, le C, on voit le MIC, on revient pour vous faire bouger. Toujours plus précis, les gars l'apprécient. Alors si tu kiffes dit, grand dans la partie c'est tout moi. On plus pressé, j'oublie de pas de tous les combats. Car j'aime relever les défis de MIC. Trop de lyrics a envoyé le hip hop me fait triper. Depuis le premier jour dans ma vie il a débarqué. Albino c'est Denzel, on vit tous les jours Denzel. Killer de rythme qui fait vibrer tous les halls. Chacun son rôle quand je fous de l'effet. Et toi même tu le sais, et boum, dans ta tête ça fait mal. Boum, sur la piste tu décales. Va le bordel dans toute la salle. Indy T-Roots Albinos qui s'installe. Des mots, ce son-là te rendra accro. Accro, non, mais celui t'es vraiment chaud. C'est la musique du ghetto, ghetto. Des mots, ce son-là te rendra accro. Accro, non, mais celui t'es vraiment chaud. C'est la musique du ghetto, ghetto. Je suis une élégante, de bon morceau mouvant, innovant. Car c'est important de faire bouger les gens d'un moyen ou d'un autre. Que ma bombe à m'ennuie comme la vôtre. Et vous met la masse dans un sens. La balle dans les capitales, FWC dans la dance hall. Fait chauffer la salle, te dévoile, tu dois savoir faire l'art et la manière sur un nouvel air.